Chapitre deuxième. Ce pauvre monsieur Templier. Ils arrivèrent rapidement à l'adresse indiquée et sautèrent sur le trottoir. C'était une vieille maison à porte cochère à demi fermée. Sur un des côtés de cette porte, une plaque de marbre noir. Monsieur Templier, receveur de rente, au rez-de-chaussée. Un groupe de badauds encombrait la rue, commentant les faits déjà connus. On reconnut le chef de la sûreté et un murmure approbatif le salua. Fouinard dit à mi-voix, à sa canne, « Justine, on nous acclame, prends-en pour ton grade. » À la vue d'un policier, le concierge, qui potinait au milieu des bonnes de la maison, se hâta d'accourir. « Ah, monsieur, » fit-il, « on vous attend avec impatience. Monsieur le juge est là. C'est bon, j'arrive. » Dans la cour, au fond, une porte vitrée portait, sur les carreaux, la même inscription, « Monsieur Templier, etc. » Monsieur Charlet l'ouvrit, et ayant traversé une petite antichambre que gardait un sergent de ville assis sur une chaise, il pénétra dans une pièce assez vaste, toute garnie de cartonniers, avec, contre les murs, un bureau encombré de papier, un coffre-fort et deux armoires de bois blanc peints en noir. Devant le bureau, un fauteuil de cuir au pied duquel on voyait une large flaque de sang. Le juge et son greffier étaient assis devant une table au milieu de la pièce. « Ah, bonjour, monsieur Charlet. Je vous attendais, avant de commencer l'examen des papiers et l'ouverture des meubles. » Messieurs les médecins légistes sont dans la pièce à côté à examiner le cadavre. Il paraît que ce malheureux a été tué d'un seul coup, d'un couteau très affilé, et porté de face, de gauche à droite. La carotide a été coupée nettement du premier choc. Le sang a dû gicler en un jet énorme, ce qui explique non seulement la flaque de sang, mais les éclaboussures qui souillent les papiers du bureau. Voulez-vous que nous procédions tout de suite à leur récolement? Car certainement nous devons trouver là des indices qui nous mettront rapidement sur la trace de l'assassin. Mais d'abord, avez-vous recueilli quelques renseignements intéressants sur la victime? Intéressant, oui, monsieur le juge, mais peu charitable. Je dois vous le dire, ce monsieur Templier jouissait, comme disent les bonnes gens, de la plus abominable réputation. Receveur de rente, une sorte d'usurier, je suppose. Pire que le pire des gobzèques. De tous côtés, on n'entend que des récriminations. Ces types ne sont pas rares, dit le juge. Recevait-il beaucoup de monde? D'après le concierge, il y avait chez lui une procession, surtout dans le mois qui précédait les trimestres de paiement. Son officine ne désemplissait pas. Une cohue de pauvres gens plus ou moins râpés qui entraient en tremblant et qui souvent sortaient avec les larmes aux yeux. Certains mâchonnaient des injures, même quelquefois on entendait l'écho de querelles violentes suivies de menaces de plainte à la justice. À ce point de vue, la déposition du concierge et de quelques locataires sera très intéressante. On ne l'avait pas revu depuis le 3, dans la soirée. Comment se fait-il que le concierge ait mis autant de temps à s'inquiéter? Manque de sympathie, très probablement. Le bonhomme sortait deux fois par jour pour aller prendre ses repas. Mais il lui arrivait parfois de s'absenter, de passer un ou deux jours en province pour affaires. Il n'était pas causeur. On ignorait tout de lui. Et c'est ce matin que le concierge, ayant tambouriné vainement à sa porte, s'est décidé à aller prévenir le commissaire. Ah, justement, le voici. En effet, le commissaire du quartier se présentait sur l'appel du juge. Il fit, en termes très sobres et très clairs, l'exposé de ses premières constatations, d'ailleurs consignées dans son procès-verbal. Il avait fait ouvrir la porte par un serrurier. L'antichambre était vide et la porte du cabinet close. Le commissaire avait trouvé l'homme dans son fauteuil, la tête tombant sur sa poitrine. L'examinant de près, il avait constaté immédiatement l'horrible blessure par laquelle le sang avait coulé le long de sa poitrine et de son ventre jusque sur les jambes et à terre. Naturellement, tout soin était inutile. Le corps était froidi et raidi. Dans une main se trouvait une plume serrée dans les doigts contractés. Il semblerait que l'homme eût été surpris en train d'écrire. Et ce qui le prouve, ajouta M. Charlet, c'est qu'on a trouvé à terre une lettre commencée. Voyez, monsieur le juge, son contenu répond bien à l'idée qu'on a du personnage. Il lui tendait un papier qui avait trempé dans le sang, mais sur lequel on distinguait clairement les lignes suivantes. « Monsieur, il m'est impossible de sursoir aux poursuites dont vous êtes l'objet, et je vous informe que c'est à ce moment que sans doute l'assassin avait fait irruption dans le bureau. » L'heure du crime, reprit le commissaire, est nettement déterminée par ce fait que la victime ou l'assassin a renversé le petit cartel qui devait se trouver sur le bureau et qui s'est arrêté justement à 7h12. Du matin ou du soir? Oh, du soir. M. Templier était allé dîner à 6 heures. Le concierge l'avait vu rentrer chez lui. Et c'est peu de temps après son retour qu'il a été frappé, c'est évident. A-t-on vu rentrer quelqu'un chez lui? Le concierge ne dit ni oui ni non. Il y a un fort va-et-vient dans la maison, et les jours étant fort longs, ils se prolongent tard. Vous n'avez rien remarqué, monsieur le commissaire, qui puisse vous donner quelque idée sur l'assassin? J'ai saisi le couteau, qui, selon toute vraisemblance, a servi à perpétrer le crime. Et le voici. C'était une lame affilée engagée dans un manche de corne. Couteau à découper, semblant de fabrication non française, ce que prouvait d'ailleurs le mot gravé sur la lame, Germania. Il portait les traces de sang. Le juge l'examina, puis le plaça sur son bureau, sans plus. « Et c'est tout ? » demanda-t-il. Ayant téléphoné immédiatement à la préfecture, j'ai cru devoir me tenir dans le cadre étroit de mes attributions. « Je demande à monsieur le juge la permission de vous en féliciter, » dit monsieur Charlet d'un air important. « Il est bon que chacun se renferme dans ce rôle strict. » Les médecins sortirent de la pièce voisine. « Monsieur le juge, » dirent-ils, « vous plairait-il de venir un instant, afin que sur le cadavre même, nous vous fournissions quelques explications ?»« Volontiers, » fit le juge. « Monsieur le chef de la sûreté, accompagnez-moi, je vous prie. » Fouinard n'avait pas bougé. Monsieur Charlet lui adressa un léger geste, qui était visiblement un signe d'appel. « Ma foi, puisqu'il n'avait en fait que de venir, » pensa Fouinard, « autant tout voir. » Du reste, on ne portait aucune attention à sa présence. Quelques mouchards en sous-ordre, rien d'important. Le cadavre était étendu sur un lit, la gorge cachée par un linge. C'était un homme d'une 60aine d'années, de stature au-dessus de la moyenne. La face longue et étroite, avec un nez assez proéminent. Les joues et le menton rasés, la mâchoire forte, les lèvres minces, type banal mais caractéristique d'homme d'affaires. « Monsieur Templier, » dit un des médecins, portait toujours des cravates blanches, épaisses mais basses. Le couteau qui l'a frappé a agi justement au-dessus de la cravate qui était raide de sang, ayant fait cornet. Le coup a été porté par une main très sûre, sans un tremblement, sans une hésitation. La section de la carotide est absolument nette. Nous avons visité tout le corps. Pas une trace apparente de lutte, pas la plus légère ecchymose. À moins que l'autopsie ne révèle quelque désordre intérieur, nous pensons que le malheureux a été surpris et frappé avant même qu'il ait pu esquisser un semblant de résistance. Il était d'ailleurs bien constitué et en passe de vivre encore de longues années. Nous allons rédiger notre rapport. Faites donc, messieurs. Le corps sera prochainement transféré à la morgue où l'autopsie aura lieu. Le juge appela le planton. Maintenant, dit-il, je reste ici avec monsieur le chef de la sûreté. Qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte. Fouinard, faisant quelque sorte partie inhérente du policier, resta aussi. Monsieur Charlet, voyons les papiers.